J'aime la musique. Moi aussi, j'aime la musique. C'est déchirant pour le cœur, mais on peut se permettre cela parfois. C'est la santé du corps. Oh, nous n'aimons pas la même musique, toi et moi. Pourquoi cela, mon enfant? Non, non, j'aime la musique qui me convient. C'est bien mon droit, je suppose. Il faut toujours qu'on soit de ton avis. Et toi, vipère chaude, il faut toujours que tu te dresses sur le bout de ta queue en sortant la langue et que tu cries « C'est moi, c'est moi !» Va au diable avec ta liberté. Aujourd'hui que le cœur de Monsieur Satan vient battre à la fenêtre. Un si bel homme et son cœur est en or, celui-là. Non, non, mais non ! Madame, prenez ces fleurs, elles sont pleines de sentiments laiteux et parfumés. Je les ai créés moi-même sur les tombes, des tombes de l'amour. Je cuis ce lilas sur la tombe d'Aspasie, et celle-ci sur celle d'Éloïse, celle est sur celle de Catherine de Médicis, et ce mouron sur celle d'Ophélie. Faut-il vous énumérer les autres? Allez, c'est pas ce que c'est que l'amour. Tu vois comme monsieur t'aime. Je l'aime, elle aussi, elle aussi, madame. Thank you. l'aller est plus facile qu'on le pense. Il faut me marier. Il faut que je te parle, Eleonore. Le mariage est une opération par laquelle la différence entre les nobles devient plus forte que les nobles les plus fortes que les transformés racines. De l'indice égal au monde les plus faibles. Article premier, oui. Article dixième, non. Allons, madame, laissons ces enfants seuls. À quoi servent les jambes, messieurs, si elles ne peuvent supporter les gonflements des sentiments? Je suis brisé. Thank you. quatre, cinq, six, sept. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Un, deux, trois. Quoi, pourquoi? Ce sont les battements de mon cœur. Savez-vous ce qui se cache sous les membres? Oh, oh. Oh, diable! Écoutez, pour l'amour, il faut trois choses. Soit lui et l'autre. Mais je suis pire, monsieur! Que l'on ne voit plus rien de ce qui se passe lorsqu'on est mort. Mais je mourrai tout de même, ma pauvre vie. Oh! Mmh. Le passé et l'avenir, tour à tour, lui gâtent le présent. Éléonore, je t'apporte une tasse de tilleul et de fleurs d'oranger. Et viens recueillir tes soupirs, mon enfant. L'amour, enfin, sais-tu ce que c'est? Oh, qu'est-ce? Oh, blessée! Éléonore, elle est... Oh, le misérable! C'est celui-ci qui l'a assassiné! Un pendu! C'est dans le cerveau que cela les tient. Un ver solitaire y travaille. Mais chez moi, Dieu merci, c'est autre part que l'amour agit. Si la vue de si tendres jambes, beau collier d'un coup, peut ressusciter les voisins Saturne, pourquoi ne ressusciterais-je pas à mon tour la douce désespérée? Mais nom de Dieu! Qui me dira ce que c'est que l'amour? Comprends-tu ce que cela veut dire, belle morte de mon âme? Que resterait-il si le principal de l'affaire, ce n'était pas moi? Voyons, comment faut-il parler aux mortes? Hey, m'entends-tu, petite fleur séchée? Mouille-toi de rosée. Un, deux, trois. Je t'aime. Oh, mon pendu. Je suis ton époux, les voisins Saturne. Non, non, tu es mon pendu. Ah, que je suis heureuse. Oui, es-tu vu jouer au bilboquet avec moi? Et lorsque tu auras gagné la partie, tu commenceras à sentir la fraîcheur du soir et à trouver la vie triste. Que dit-il? Il veut me faire pleurer. Cher ange! Il est vrai que tu n'es plus tout à fait pendu? Si, si, il me reste un grand morceau de corde autour du cou. Tu es à moi? Je suis plus qu'à toi. Je suis à toi, mon pendu. que tu me retrouves tout en dépendu au doigt. C'est exquis. Enfin, vois-tu, tu m'aimes-tu, tu m'aimes-tu. Je t'aime. Dis-le encore. Je te mets au chien et rose des fonds. Thank you.